L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Théâtre du présent, troisième édition, ce sont les rendez-vous d'auteurs, un événement qui prend de l'ampleur à l'apostrophe avec deux journées pour cette édition 2015. Samedi 28 novembre à partir de 15h et dimanche 29 novembre à partir de 11h. Le tout se déroulant à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Un événement en partenariat avec les éditions théâtrales. Alors l'idée, je ne sais pas si je ferai un raccourci, c'est Jean-Joël Le Chaplin qui va peut-être me préciser les choses. Il s'agit d'une mise en voix par des comédiens de textes d'auteurs dits émergents sélectionnés dans le cadre du comité de lecture de la scène nationale. C'est peut-être un peu court comme présentation ? Non, c'est tout à fait ramassé au contraire et précis. Mais enfin, je réagirais peut-être sur le terme émergent, puisque c'est un terme utilisé un peu à toutes les sauces pour traduire l'apparition de nouveaux auteurs ou de nouveaux metteurs en scène, je ne sais quoi. Mais enfin, l'intention reste celle-ci, c'est-à-dire de faire connaître des auteurs, de nouveaux textes, et de vulgariser davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui la littérature dramatique, puisque l'objectif, c'est bien de faire connaître des textes dans ce domaine autant qu'on pourrait le faire dans des romans. Mais l'avantage du théâtre sur le roman, c'est que il ne prend sa pleine dimension que sur la scène de théâtre. Donc c'est véritablement ça que l'on recherche dans ce travail avec le comité de lecture, auquel on associe beaucoup de spectateurs et de lecteurs potentiels, et réels d'ailleurs. Souvent, quand on parle de la création contemporaine, à tort ou à raison, on estime qu'il y a de moins en moins de place justement consacrée au texte. Or là, cette initiative va nous démontrer le contraire peut-être ? Oui, enfin, c'est le panorama n'est peut-être pas aussi radical que ça. C'est vrai qu'il y a des courants de pensée et des courants de réalisation dans les réalisations du spectacle aujourd'hui en France, notamment, mais c'est pas particulier seulement à la France. Il y a des courants de réalisation qui, pourrait-on dire, ne mettent pas le texte en avant, disons ça comme ça, et ont d'autres sources d'inspiration qui sont plutôt des écritures dites de plateau. C'est-à-dire que sur la scène de théâtre, on va convoquer un certain nombre de matériaux qui sont aussi bien textuels qu'audiovisuels, que musicaux, que sais-je, circassiens souvent, et qu'on va fabriquer avec ça un propos qui, par définition, n'aura pas le texte comme élément de référence. Et puis il y a tout un courant, évidemment, qui reste, j'allais dire traditionnaliste, ça pourrait être mal pris, c'est pas tout à fait, il n'y a pas de connotation morale, mais des gens qui pensent que le théâtre s'appuie d'abord sur la pensée d'un auteur, d'abord sur une description particulière des rapports entre les êtres, les situations, et de ce fait, le texte est la référence sur laquelle s'appuie le metteur en scène. Alors ces deux courants ne sont pas antinomiques. On a vu dans les débats d'Avignon il y a quelques années qu'évidemment ils suscitaient des passions, parce qu'on a le directeur actuel du théâtre du Festival d'Avignon qui est un ardent défenseur du texte, de théâtre. Voilà. Et puis de l'autre côté, un certain nombre de gens, c'était le cas des anciens directeurs du festival, Hortense Archambault et Vincent Baudrier, qui eux étaient davantage sensibles à une esthétique dite de plateau. Donc ces deux courants existent, ils coexistent, fort heureusement, mais il reste que la littérature, c'est quand même de la littérature. Et que l'avantage qu'on peut avoir dans le texte de théâtre, c'est qu'on a une référence constante, alors que dans l'écriture de plateau, on n'a pas cette référence constante au texte. Autrement dit, pour que les concitoyens, pour que le public s'en saisisse, une fois que l'événement de la création est passé, c'est plus difficile dans une écriture de plateau. Et le texte dramatique, par ailleurs, connaît depuis toujours une véritable vie, un véritable foisonnement, facilité aujourd'hui avec les moyens modernes d'édition, puisque on peut tout à fait chez soi, avec un bon ordinateur et quelques feuilles de papier, se faire éditer un texte de théâtre, mais un roman aussi évidemment, a fortiori. Mais donc on voit bien que si on s'intéresse quand même à l'art dramatique, on voit qu'il y a des auteurs qui sont quelquefois aussi des metteurs en scène, qui ont une pensée, qui mérite d'être porté dans un texte de référence qui est le texte de théâtre, et que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aussi à la découverte de ces textes, d'où notre côté depuis plusieurs années maintenant la volonté qui était ancienne mais qu'on a concrétisée il y a quelques années de faire un comité de lecture et d'associer les spectateurs, le public à une sélection de textes qu'on pourrait être amené à porter sur la scène de théâtre. En parlant de comité de lecture, eh bien, c'est l'une de nos invitées qui va pouvoir intervenir dans un instant sur l'antenne de RGB. C'est, voilà, j'ai oublié, j'ai perdu ma feuille. Myriam. Donc on fera un petit Absi. Raccord. Voilà. Myriam Absi. Myriam Absi, membre du comité de lecture, je vous disais et vous présentais tout à l'heure comme documentaliste au lycée Camille Claudel sur la commune de Vauréal, et vous participez à ce comité de lecture et au-delà même à ces rendez-vous d'auteurs Théâtre du Présent pour les 28 et 29 novembre prochains. Alors peut-être avant de rentrer dans l'organisation, dans l'existence même de ce comité de lecture, nous dire, vous qui devez être un peu aux avant-postes pour découvrir ces auteurs. Quand on est documentaliste, eh bien, on est tout de suite à la rencontre des auteurs qui sont publiés, je suppose. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que ce qu'on appelait tout à l'heure les auteurs émergents, c'est-à-dire ceux qui renouvellent le genre, peut-être, des auteurs moins connus, moins célébrés, peut-être moins joués aussi au théâtre, ils sont de plus en plus nombreux à publier? Moi, je dirais que justement, le but un peu de ce comité de lecture, c'est de faire découvrir de nouveaux talents, voire découvrir une perle parmi tant d'autres, et puis de découvrir surtout une multitude, un foisonnement d'écrits divers sur des thèmes complètement différents, et donc c'est très intéressant. Voilà. Comment vous en êtes venu à rejoindre ce comité de lecture ? Alors, j'ai assisté à une lecture théâtrale en mai dernier à la bibliothèque de Cergy. Et en plus, c'était un texte qui parlait d'une ville qui me passionne et que j'apprécie énormément, qui se passait à Berlin. Donc, j'ai été vraiment prise dans cette lecture qui était faite par des comédiens. Et à la suite de cette lecture, donc il y a eu un petit débat, il y a eu un échange avec les comédiens et les personnes présentes, et qui m'ont dit qu'il y avait possibilité de faire partie de ce comité de lecture, et que j'ai laissé mes coordonnées, et donc en septembre, je suis revenue au Théâtre des Louvrais, voir un peu comment ça se passait, et participer donc en octobre à la première... à la première séance pour puisqu'on avait des textes à lire. Voilà. Alors, première séance, c'est l'occasion de rencontrer donc les autres membres qui composent ce comité de lecture. C'est l'occasion de découvrir différentes écritures contemporaines, pour le coup. C'est l'occasion aussi de se faire peut-être son propre argumentaire pour défendre ses choix, ses coups de cœur. Alors, justement... quand on est tous ensemble, bon, il y a des... le débat peut être houleux, mais ça reste bon enfant quand même. Et chacun donne un peu son avis. Ça peut être un avis négatif, positif ou pas d'avis du tout, puisqu'il n'y a pas vraiment eu d'émotion en lisant un texte ou un autre. Et on fait un petit peu c'est un débat, mais pour qu'on sache un peu lequel des textes qu'on a eu à lire et nous paraît le plus intéressant. Enfin, je dis intéressant, c'est pas vraiment un terme, parce qu'ils sont tous intéressants, bien sûr, mais il y en a qui y a une écriture différente, il y a une émotion différente. Qui parle plus à tout le monde. Voilà. Donc on échange avec d'autres lecteurs, on confronte ses idées, on argumente, et à un moment donné, il faut s'arrêter sur des choix. Mais avant cela, il y a une présélection, c'est-à-dire que le comité de lecture se prononce sur combien de livres au départ, à la base ? Alors, là, j'ai eu 4 textes à lire pour la première séance. Là, je vais en avoir 6 pour la deuxième, ce qui aura lieu en janvier. Et j'en aurai encore 6, donc ça fait quand même pas loin de 20 textes à lire, à apprécier ou pas, et puis à donner son avis. Donc ça fait des textes qui font environ 30 pages. Jean-Joël Le Chapelain, la mise en place de ce comité de lecture, ça a été à la base l'apostrophe qui a créé ce comité de lecture. Quel est l'intérêt justement de s'appuyer sur des lecteurs, j'imagine avec des parcours, des sensibilités différentes, qui vont se positionner, qui vont argumenter, qui vont faire des choix, puisque on va le voir pour les rendez-vous du 28 et 29 novembre prochain, Théâtre du Présent, 3e édition, rendez-vous d'auteurs. Eh bien, ces lecteurs ont participé en quelque sorte un petit peu à la distribution, à l'organisation même. Oui, ben c'est d'ailleurs l'objectif, c'est le même type de travail que peut faire le théâtre lorsqu'il fait des propositions de projets d'action culturelle pour mettre en rapport les artistes avec des micro-publics, enfin des petites entités de public dans les établissements scolaires, les associations, les groupes divers et variés. Et donc c'est l'approche finalement au plus près de ce qu'est un acte artistique. Donc dans un comité de lecture comme celui-ci, l'idée était en effet de faire en sorte que le théâtre, étant quand même massivement un théâtre de texte, ne fût-ce que par notre patrimoine commun, eh bien il était intéressant de pouvoir rassembler des gens, des personnes qui puissent donner leur avis. Mais contrairement à ce qui était indiqué tout à l'heure, ce ne sont pas des textes édités. Justement, ce sont des textes qui ne sont pas édités. Donc ils ne sont pas encore. Alors il peut arriver qu'entre le moment où on le propose à la discussion, et le moment où il est discuté véritablement entre les membres du comité de lecture, ce texte est édité, mais c'est marginal. Donc en tout cas, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de faire connaître ces textes, comme ce vient d'être dit, de faire apparaître au travers des débats, finalement, qui en effet, quelquefois, sont extrêmement passionnés, puisque chacun a une approche qui est très, très personnelle et quelquefois très passionnelle avec les textes qui sont proposés, selon qu'ils parlent ou non plus profondément à chacun d'entre nous. Et donc, cela permet finalement de faire une espèce d'entonnoir qui va permettre de sélectionner quelques textes. Mais en fait, on est en cela dans le même type de dispositif que les grands prix littéraires de toutes sortes, de telle façon qu'on puisse faire émerger les textes qui paraissent les plus significatifs à une époque donnée, dans un endroit donné. Précision, ce ne sont pas forcément des textes qui sont dédiés au théâtre à la base. Pratiquement, si, quand même, puisque la base du comité de lecture, c'est sur des textes dramatiques. Donc il peut arriver qu'il y ait des textes qui soient plus ou moins des textes dramatiques, au sens où l'écriture théâtrale n'est pas une écriture, par exemple, qui est centrée autour des personnages, ou autour d'actes, ou que sais-je, mais qui a quand même vocation à se référer à l'art dramatique. C'est-à-dire que dans l'intention de l'auteur, nous rassemblons des textes qui ont pour vocation d'être, à un moment ou à un autre, saisis par des artistes, par des acteurs, pour être joués. Et donc ça, c'est une dimension importante. Alors évidemment, le théâtre est amené à faire, avec un certain nombre de partenaires qu'il s'est associé, la Bibliothèque d'études et d'information de Sergi Pontoise, mais également les éditions théâtrales, depuis cette année, de faire une présélection, parce qu'il y a un nombre considérable de manuscrits qui existent, de faire une présélection qui est donnée en pâture, si je puis me dire ainsi, aux lecteurs, et de telle façon que on ait le panel le plus large possible, permettant les avis les plus larges possibles, et une sélection la plus pointue possible. Théâtre du Présent, 3e édition, c'est pour les 28 et 29 novembre prochains. Donc à partir de ce qui vient d'être dit sur ce comité de lecture, il va y avoir des coups de cœur, trois coups de cœur qui ont été retenus par ce même comité de lecture. Absolument, c'est quand on lui propose, selon le scénario évoqué tout à l'heure, les textes sont donnés à dose homéopathique, si on peut dire, mais il faut quand même se les avaler, les textes. Quand on a une activité par ailleurs, on n'est pas forcément un lecteur boulimique, mais donc ça valait quand même une vingtaine de textes à l'année. Ça fait quelque chose comme deux textes par mois, donc il faut y consacrer un petit peu de temps quand même. Et puis ces textes, en effet, sont, sur le processus qu'on a évoqué, dans les trois rendez-vous de l'année, présélectionnés et mis en voie. Et c'est l'objet du Théâtre du Présent qui va permettre de rencontrer, avec la voix des comédiens, trois textes qui ont été lus déjà plusieurs fois par les membres du comité de lecture. Parmi ces trois textes, Myriam Apsi, il y a un coup de cœur que vous aviez, vous, parmi ce qui a été sélectionné au final? Ben, moi, je suis en fait complètement novice parce que je suis... Ah, vous êtes arrivée après. Il y a un an de décalage, en fait. Un an de décalage. Donc, pour parmi les choix que vous allez faire cette année, on pourra les retrouver sur scène à l'occasion du quatrième rendez-vous. L'année prochaine, absolument. Tout à fait. Très bien. Deux jours, effectivement, je le disais, un événement qui prend de l'ampleur, les 28 et 29 novembre prochains. Alors, il y a ces coups de cœur, mais il y a aussi, au cours de ces journées et rencontres avec les auteurs, de débats, des rencontres débats qui sont également organisées à cette occasion, Jean-Joël Le Chapelain. Oui, parce qu'en fait, c'est l'occasion d'aller plus profond dans la réflexion, dans les approches que l'on peut avoir de ces textes. Alors c'est toujours passionnant de mettre ensemble des auteurs et des spectateurs et de faire un petit peu circuler la parole sur ces sujets. Donc on aura deux rendez-vous, un autour de la pensée au plateau, écrit pour la scène. Voilà, on est en plein dans le sujet. Alors on a invité pas mal de nos artistes de la saison. Je ne sais pas s'ils pourraient tous là. Ce jour-là, nous l'espérons, mais on va les mettre sous réserve. Ils sont un peu compliqués. On va les mettre sous réserve. Quelquefois, nous avons un partenaire formidable qui est Amin Raled, qui s'occupe des auteurs à Théâtre du Rond-Point, qui nous apporte son expertise et son talent pour l'animation de ces débats. Et puis, on a une rencontre spécifique, celle-ci, qui n'est pas sur une thématique particulière, mais avec les auteurs qui sont mise en lecture pendant ce week-end. La première journée va s'achever avec le spectacle Soulèvement de Marcel Bozonès, avec qui il va y avoir une rencontre également. Oui, mais il sera dans la première table ronde. Est-ce qu'on a dit l'essentiel sur ce rendez-vous? C'est important pour l'apostrophe, un rendez-vous avec les auteurs dits émergents ou les auteurs actuels. Ils se saisissent de problématiques, de préoccupations actuelles. Il suffit de voir un petit peu le choix pour cette édition 2015 pour se rendre compte qu'on est vraiment dans des sujets d'aujourd'hui. On parle de réchauffement climatique, je crois que l'un des textes choisis parle de cela. Sur les agressions homophobes, eh bien, c'est un deuxième texte qui évoque cette problématique autour de témoignages. Et le troisième sujet est aussi autour du vivre ensemble. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité Anaïs de Clercq. Oui, enfin, ça traduit simplement la réalité des interrogations des auteurs qui sont des citoyens comme les autres et qui donc portent souvent dans leurs écrits les questionnements qui les agitent. Donc ce n'est pas étonnant qu'on trouve ça. Alors il y a aussi quand même la difficile question de la présélection qui nous anime à chaque fois, c'est-à-dire comment faire pour arriver à présélectionner des textes pour la lecture qui soient le plus représentatifs possible. Mais au fil du temps, on finit par trouver la bonne voie, j'imagine. Samedi 28 novembre à partir de 15h et dimanche 29 novembre à partir de 11h du matin, il y a des moments de convivialité qui seront proposés pour rythmer ces deux journées. C'est à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre, Théâtre du Présent. C'est la troisième édition pour ces rendez-vous d'auteurs avec tout ce qui vient d'être dit au niveau des rencontres débats et des textes à entendre mis en bouche et plus que cela par des comédiens professionnels. Juste un dernier mot sur le comité de lecture, ceux et celles qui voudraient se rejoindre ce comité de lecture, qui écoutent cette émission, est-ce que c'est possible ou il faut attendre la saison prochaine pour s'y inscrire? Qui peut nous répondre, Jean-Joël? Non, c'est tout à fait possible en cours de route, bien sûr. Évidemment, le regard porté sur l'ensemble des textes d'une saison est plus pertinent, plus intéressant, j'allais dire, après. Mais à tout moment, on peut rejoindre cet espace qui est un espace très ouvert, très libre. On le veut le plus convivial possible, mais très exigeant sur les contenus. Et nous sommes pour cela entourés par des gens sérieux comme Pierre Banos, comme l'association Hameau Découvert aussi, comme les professionnels de la lecture qui se trouvent dans les bibliothèques et dont certains, comme Madame, se trouvent ici intégrés dans ce comité. Donc il y a quand même un ensemble de personnalités et un ensemble de conditions qui sont rassemblées pour que ce soit le plus sérieux, mais le plus agréable possible cependant. Jean-Joël Le Chapelain, les spectateurs sont aussi sollicités à l'occasion de ces rendez-vous d'auteurs du 28 et 29 novembre. car je crois qu'ils sont appelés à se prononcer, à s'exprimer, voire plus, à voter. Oui, on leur remet un matériel de vote d'ailleurs à leur arrivée le premier jour, pour sélectionner parmi les trois textes qu'ils auront entendus, lequel ils élisent lauréat. Alors, donc c'est à peu près le même processus qui est celui des membres du comité de lecture qui eux-mêmes sont amenés à choisir ces trois textes. Là, il s'agit de choisir au cours de ce week-end, de choisir le texte lauréat. Et que deviendra-t-il ce texte ? Eh bien, il sera donné à la rentrée d'après. Merci donc à Jean-Joël, mais merci à Myriam Apsi pour nous avoir présenté sa participation à ce comité de lecture. Et j'imagine avec un enthousiasme à découvrir tous ces auteurs et à confronter ses points de vue avec d'autres lecteurs pour aboutir à préparer la prochaine édition, si j'ai bien compris, de Théâtre du Présent, ce rendez-vous d'auteurs qui se déroulera la saison prochaine. Juste un dernier mot, comité de lecture est en accès libre sur réservation et accessible toute l'année. Renseignements et réservations au téléphone qui va suivre, prenez le temps de le noter, 01 34 20 14 14, 01 34 20 14, deux fois.